On te demande là, quand tu poses la question, quand si France ça va ou ça va pas. Donc tu dois dire si ça va, si ça va pas, tu dois dire ça va pas. Voilà. Et alors, toi ça va? Non, non, ça va ça pas va toi? Même pas même. Alors, qu'est-ce qui va pas? Et t'es pas. Qu'est-ce que tu veux nous dire quoi alors? Moi, Ouais. moi, ça va pas. Ouais. Macron même sait que nous, ça va pas. Chez nous ici, ça va pas. Pourquoi ça va pas maintenant, mon frère? Tu Ouais. sais pourquoi ça va pas? Ouais, c'est une bonne question. Pourquoi ça va pas? Hein? Qu'est-ce qu'il faudrait changer alors? Tout? Tout? Ouais, tout. Tout. Ok. Il va changer juste tout. Ok. Nous, on n'a pas papier. Il doit nous donner papier. À ceux qui peuvent donner papier à tout le monde, hein, mais il n'aura fait son effort, quoi. On dit que c'est moi, il trouve que la France il ne respecte pas ce qu'il dit. Ils disent que les mineurs, si les mineurs arrivent dans les pays, on va les mettre à l'école, monsieur. Que les mineurs, il y a les mineurs qui sont dans la rue, ils ne sont pas à l'école. Ils font rien. Ils restent dans la rue jusqu'à ils sont 18 ans, à l'âge de majeur maintenant. On les laisse. Moi, je connais beaucoup de personnes ici. Hein. Ils sont mineurs, 15 ans, 14 ans. Ils sont dans la main des mineurs jusqu'à 18 ans. On leur dit qu'ils n'ont pas parti, ils n'ont pas papier, ils n'ont même pas séjour. Ils n'ont rien. Genre, ils croyaient que nous, on est venus ici pour manger kebab seulement. Alors que toi, t'aimes pas les kebabs en Moi, plus. j'aime pas, j'aime le kebab, mais je suis pas venu pour manger kebab comme Ah monsieur. bon? Ouais. T'es venu pourquoi alors? Moi, j'y venais, Jean, j'y venais. Je sais pas comment je vais t'expliquer, monsieur. Je suis venu réaliser mes rêves, quoi, parce que dans nos pays, là-bas, non, en Afrique, non. C'est pas ça, quoi, monsieur. Ouais. Sinon, en Afrique, c'est pas ça, monsieur. Si je te dis ce que j'ai vécu, tu vas pas croire, peut-être. Ouais. Ouais, si tu me le dis, Je suis a priori, je le croirais. quitté en Afrique, hein, 2013, monsieur. Je Ok. suis arrivé en France, ici, le 5e mois 2013, en France, ici. Ok. À l'âge de 11 ans, aujourd'hui, il y a 17 ans. Et D'accord. puis, il faut remarquer, hein, que je m'avais chez mineur, on dit je suis majeur. Que je m'avais chez majeur, on dit je suis mineur. Il y allait où? Chez les bébés, alors. Ok. Moi, je suis venu ici et tout, en 2013, en 2018. Normalement, est-ce qu'on ne peut pas me donner un séjour? Vrai ou faux? J'ai pas compris, vas-y. Normalement, on doit me donner un séjour, on ne doit pas me donner un séjour. Bah, pour moi, si, oui. Si, Mais pour toi, c'est pas si, moi qui oui. décide. Et même pas un titre de Et les gens ici, séjour. ils ont fait 10 ans ici en Europe, ici. Hein. 10 ans en France, ici. Même récépissés, ils sont pas, ils n'ont pas. Ils sont ici, ici. Hein. Récépissés, ils n'ont pas ça. Ouais. On souffre, hein, monsieur. Ah ben Je j'en sais doute pas si pas. c'est quoi, c'est un noir, ouais, c'est pas c'est quoi. Et juste, on souffre. J'ai d'autres, même, les étudiants qui nous ont suivis pour nous mener à l'université, à la fac là-bas. On a Ouais. fait 3 mois là-bas. Après, on nous a mis dehors pour venir dormir dans la rue. Monsieur, moi, si c'est l'été, moi, je n'ai pas besoin de maison. Même commerce, c'est maison. Tu places carton, tu dors jusqu'au matin. Le soir, tu te lèves, ça va. Ok. Ça continue. Si tu peux me poser une question, pose une question. Il te répond tout. Moi, j'aurais Je une crois qu'il y a question. quelqu'un d'autre qui veut Ouais, me je vais poser te une poser une question. question. Parce Ouais. que tu as commencé à parler de l'université. Oui, de Est-ce que, l'université. comme tu as l'air d'être là depuis un petit moment, est-ce que tu pourrais nous raconter qu'est-ce qui s'est passé au château et un peu toi, voilà, comment tu vois la situation? La censive aussi, ouais, enfin. Ouais, université. Quand on dit université, nous, on était à Sensif. Premier, nous-mêmes, on a vu le coin. Premier jour. Ok. Ici, là, c'est là jusqu'à commencement, jusqu'à la fin, monsieur. Et Ok. départ. On faisait la musique. Les gens venaient nous donner la nourriture, donner les habits. C'est comme non. Les petits frères de nos parents qui sont ici, les petits frères de nos papas qui sont ici, les petites soeurs de nos mamans qui sont ici, qui nous ont abandonnés ici. C'est comme on a retrouvé les gens, je sais pas comment je vous expliquer quoi. La vraie famille, quoi. Moi, je dis à tout le monde, les aventuriers, tes frères, tes familles, c'est tes frères aventureux. Ici, en Europe, ici. Ok. Quand tu es en Afrique, tes parents qui sont ici t'appellent, si tu arrives chez moi ici, il y a la place, il y a la place. Mais quand tu arrives, chacun pour toi, pour tous. Voilà. À la fac là-bas, on a fait tout. Il y avait bon tout, les trucs, quoi. Gens sans misère, gens, il y avait tout, il y a l'ambiance, on fait tout. C'est comme une famille, quoi, monsieur. Et si tu comprends? Enfin, je C'est comme crois une comprendre. famille, quoi. À la fac, maintenant, aujourd'hui, on nous explique au château. Après, on dit non, il y a l'alcool. Ils ont vu 50 litres d'alcool là-bas. Ils ont vu 20 litres d'alcool là-bas. Ils ont vu les bouteilles de l'alcool. Nous, on ne boit pas. Nous, on ne boit pas, monsieur. Si il se passe pour qui la radio là, tu demandes s'ils ont vu la bouteille de l'alcool à Sensif. Nous, on ne boit pas, monsieur. Nous, maman, nous, on disait qu'il faut voir quelqu'un à boire. Est-ce que tu dis qu'en gros, l'excuse pour vous expulser de là-bas, c'était parce qu'il y avait de l'alcool? Je sais pas. Non. Après, et même quoi, c'est dangereux. Ok. Ils disent que le château est dangereux, monsieur. Quoi, il y a un coin, ça a risqué de tomber. Ok. Dangereux. Allahu Akbar. C'est pas dangereux, monsieur. Tout est dangereux dans la vie. Toi, tu as quitté chez toi pour arriver ici. C'était dangereux. Tu pourrais faire accident, monsieur. Mais c'est dangereux. Tout est dangereux. Moi, ici, la parole dans le micro, c'est dangereux. Il peut tomber. Je peux l'avaler. Voilà. Enfin, ouais, non, il parle plein de trucs hyper compliqués. C'est parce qu'il est blanc et trop intelligent, monsieur. Voilà. Blanc. Si tu as dit qu'il faut quitter ici, tu vas quitter ici. Ça, c'est clair. Il va trouver une solution pour te faire quitter. Ça, c'est Darore, mon frère. Ok. Darore. C'est important. C'est Darore, quoi. Darore. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes expulsé? Maintenant, en demain, un jour, on a barré tous les coins, on a barré pour que la police soit rentrée. Ouais. Mais je ne sais pas comment la police est rentrée, monsieur. Ouais. Tu sais pas comment la police est rentrée? Je sais pas comment ils sont rentrés. S'ils avaient la clé, ouais. Peut-être. Et puis il dit, monsieur, s'il vous plaît, tu peux sortir. C'est comme ça qu'ils ont fait? Il y a juste tout, monsieur. Ok. Avant, moi, j'ai vu, non. J'ai regardé, il dit, c'est pas les policiers de Nantes. Les policiers de Nantes, ils vont te chucoter, monsieur. Ils étaient pas. Ces restes de Nantes, ils vont te chucoter. Te chicoter? Oui. De taper? Taper. Ok. Mais ils sont venus taper comme ça, monsieur. Ok, ils ont été tranquilles, quoi. Non, ça, sûrement, il n'y a personne qui peut dire qu'on les a frappés. Ils ne sont pas touchés quelqu'un. Ok. Ils sont venus dire, monsieur, vous pouvez sortir. On nous a demandé la permission de vous venir vous expulser. Il dit, ah, ok. Moi, j'ai pris ma valise, j'ai pris tout. On est sorti au dehors, on est venu s'arrêter en face de eux.